dans cette Afrique qui naît à la vie indépendante, si nous ne prenons garde, nous risquons de perdre et la liberté de l'homme et l'indépendance de notre continent. Le monde, en effet, se trouve actuellement divisé en deux camps, engagé dans une lutte à mort pour le triomphe d'une idéologie. Et seuls deux grands pays ont les moyens de leur politique. L'Europe, quant à elle, la vieille Europe, déchirée par ses rivalités séculaires, donc divisée, n'a pas les moyens de sa politique. Encore moins une Afrique qui naît à peine à l'indépendance, une Afrique sous-développée, à la recherche des cadres et des moyens économiques et financiers pour assurer son développement harmonieux qui conditionne l'épanouissement de l'homme dans la liberté. Que veut alors l'Afrique? La paix, indispensable à son développement. Que veut la vieille Europe définitivement guérie de la fièvre de colonisation? Certainement pas la domination mondiale. La désirait-elle qu'elle n'en a pas le moyen, comme je viens de vous le dire? Elle ne peut pas ne pas aspirer, comme nous, à la paix, à la grande compréhension entre les peuples, à l'amitié des peuples, à la coopération avec les autres peuples sur la base de l'égalité, en un mot, à la vraie fraternité humaine. Divisée, l'Europe n'a plus confiance en elle-même et assiste impuissante à la dégradation de la situation mondiale. D'un autre côté, nous, les Africains, nous risquons de voir dans une telle conjoncture notre continent entraîné dans la guerre froide dont, en définitive, elle ferait les frais, et ce, par la division de ses enfants, la légèreté, la suffisance ou la naïveté criminelle de certains leaders, par un manque de conscience d'un danger réel qui menace tout le continent africain. Dès lors, l'Afrique se doit de rechercher sa voie dans une neutralité qui ne signifierait pas isolement, mais la paix entre ses enfants et une coopération confiante avec tous les peuples qui, n'ayant aucune vocation à la domination mondiale, l'aideraient pour elle-même et ne l'utiliserait pas des fins personnelles. Une coopération confiante avec des peuples animés comme elle, de l'idéal élevé d'égalité et de fraternité. On aura sans doute reconnu le président ivoirien Félix Houphouët-Boigny. Il s'exprimait en juin 1961 au terme d'une visite officielle en France. Alors, cet appel à l'Europe, voyons comment la France va y répondre. Et pour cela, il faut tenter d'en distinguer la philosophie avant même d'en préciser les modalités. Écoutons d'abord le général de Gaulle, premier président de la Ve République, alors qu'il reçoit en novembre 1967 à l'Élysée le président du Bénin, Christophe Soglo.